بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فcette nuit la nuit du 26 du mois de Al-Muharram de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le 8e cours de notre série de cours sur le commentaire de la poésie At-Ta'iyya de Abu Ishaq Al-Ilbiri. Nous étions arrêtés à sa parole. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست أو لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. Cette partie qui demande un éclaircissement et une attention toute particulière. Après avoir parlé de ce qui sera utile pour le serviteur dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà, le fait de délaisser ce bas monde, ses attraits et le fait de se tourner vers ce qui est profitable dans l'au-delà, et parmi les choses les plus profitables, la science. Sans aucun doute, comme le disait l'imam Ahmed, rahimahullah, et autres que lui, les gens de nos jours sont plus dans le besoin de la science que de boire et de manger. Car de boire et de manger, tu en as besoin une fois ou deux dans la journée. Alors que la science, tu en as besoin à tout moment. Et regardez, même pour boire et manger, c'est-à-dire savoir comment tu dois boire et manger, qu'est-ce que tu dois ou ne pas, ou tu ne dois pas boire et manger, la manière que tu auras de manger, la manière que tu auras de t'asseoir pour manger, ce que tu devras faire après avoir mangé, toutes ces choses-là, tu as besoin de science, de l'ilm, la science dans ta religion. Et ceci, l'imam Ahmed le disait à son époque, au 3e siècle de l'Égypte. Qu'en est-il alors de notre époque? Sans aucun doute, les gens ont plus besoin encore de la science que de boire et de manger à notre époque. Donc après avoir parlé de ça, après avoir orienté son ami Abu Bakr, et ceux à qui il parvient cette poésie, nous en l'occurrence, ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront après nous, Inch'Allah, il nous parla de ce qui était obligatoire sur ta science. On a parlé de Zakatul Ilm, on a parlé aussi de la science qui sera profitable, de la place que te conférera cette science dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà, et d'autres sujets que nous avons traités précédemment ici. Abu Ishaq nous parle de ce qui est important dans cette science. Il dit فَرَأْسُ الْعِلْمِ تَقْوَ اللَّهِ حَقًّا وَلَيْسَ بِأَنْ يُقَالَ لَقَدْ رَأُسْتَ ou لَقَدْ رَأَسْتَ. Ce qui est important ici dans la science, c'est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa piété. Et comme le dit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ min ibadihi al-ulama'u, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, parmi ses serviteurs seuls les savants craignent Allah. Parmi ses serviteurs seuls les savants craignent Allah. La science te pousse et te tire vers la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car avec cette science tu connais ton Seigneur tabaraka wa ta'ala mieux encore, et tu connais mieux encore sa religion. De même que la crainte te pousse vers la science, car la science, comme on l'a dit précédemment, est la plus grande des œuvres méritoires. La science dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est la plus grande des œuvres méritoires. Donc, la science, comme la crainte d'Allah, azza wa jalla, la piété, ces deux œuvres se tirent les unes vers les autres. Cheikh al-Sa'di, ou al-Sa'di, rahimahullah, dit dans son tafsir, dans le tafsir de ce verset de Surat Fatir, il dit, tous ceux qui sont plus savants à propos d'Allah, le craignent plus. C'est-à-dire, à chaque fois que tu seras plus savant, à chaque fois que tu auras plus de science à propos d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceci augmentera aussi ta crainte de lui, tabaraka wa ta'ala. Et cette science que tu auras acquise demandera la crainte d'Allah, azza wa jal, appellera la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de même que de s'abstenir de sa désobéissance, de même que de se préparer à sa rencontre. Et ceci est une preuve sur le mérite de la science et l'ilm. Car sans aucun doute, la science appelle à la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et les gens de sa crainte sont les gens qui profiteront de ses largesses, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, l'imam Sa'di, rahimahullah, dans le tafsir de ce verset, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et certains parmi nos pieux prédécesseurs ont dit, et ceci est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il disait, laysa al-ilm bi kathrati ar-riwayat walakin al-ilm bil khashya, ou walakin al-ilma al-khashya. Et cette parole est rapportée de différentes manières de plusieurs parmi nos pieux prédécesseurs, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien, dans le sens de leur parole. La science n'est pas le grand nombre de narrations que tu rapportes, c'est-à-dire le grand nombre de récits que tu rapportes, c'est-à-dire le grand nombre d'informations et de connaissances que tu as. Mais plutôt la science, véritablement, c'est par la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou c'est ce qui t'emmène vers la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou c'est la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en fonction des narrations qui sont rapportées. Et ceci est rapporté, comme je l'ai dit, de plusieurs parmi les salaf, et c'est quelque chose que l'étudiant en science, en particulier, et autres que lui, de manière plus générale, doivent respecter et bien analyser, c'est-à-dire cette parole, bien l'analyser, bien la comprendre. C'est-à-dire que il ne faut pas être émerveillé devant une personne qui prétend avoir beaucoup de connaissances. Et comme je l'ai dit dans le cours de dimanche, si vous vous rappelez, certaines personnes qui mentent aux gens, qui veulent se faire passer pour quelqu'un qui, ou pour des gens qui ne sont pas, évoquent dans des assises de science ou autres des narrations et ils y mettent une certaine coquille, un certain emballage. C'est-à-dire que quand ils évoquent une narration, ils vont évoquer des choses qui tournent autour. Et la plupart de ces gens-là ne sont pas véridiques dans cela. Par exemple, quelqu'un qui s'adresse à des gens qui ne comprennent pas la langue arabe, mais qui fait exprès de parler en arabe, alors que ceci n'est pas un besoin ici, puisque les gens qui sont en face de toi n'ont pas cette langue, la compréhension de cette langue. Au moment où la personne va insister sur le fait de parler en arabe et de rentrer dans des termes techniques, alors que la personne qui est en face ne comprend pas cette personne-là, sans aucun doute, il y a derrière ceci une chose. De même que lorsque tu rapportes l'ahadith, en fonction de la personne à qui tu t'adresses, tu devras adapter ta manière de rapporter et de parler. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une assise de science avec des gens de science parmi talabat al-ilm et l'ulama, si tu rapportes le hadith avec son numéro et que tu es certain d'avoir le numéro du hadith dans par exemple le sahih de l'imam al-Bukhari, ceci est une bonne chose. Mais si tu rapportes cela avec des gens qui peut-être n'ont jamais ouvert le sahih de l'imam al-Bukhari, à quoi ça te sert de faire cela? Et la plupart du temps, ces gens-là, et il y en a, même ici en France, faites bien attention, des gens qui prêchent, qui utilisent cette technique. Et ils émerveillent les gens. Les gens, bien sûr, sont émerveillés par cela. Et vous regardez, l'un de leurs chirs dans cela, c'est un chir mauritanien, Mohamed Hassan Deddaou. Vous entendez parler de lui, qui est quelqu'un, sans aucun doute, qui n'est pas sur une voie qui est la voix des gens de la sunna, sans aucun doute. Mais c'est quelqu'un, quand il parle, il essaye d'émerveiller les gens, en parlant de cette manière, en ramenant beaucoup de détails, et lorsque tu reviens, et pas par rapport à cette personne, pour être juste, mais par rapport à d'autres personnes qui utilisent ce style, lorsque tu reviens, pour l'avoir fait personnellement, lorsque tu reviens aux textes qui sont évoqués, tu trouves bien souvent, des différences, parfois même des contradictions. C'est-à-dire qu'il rapporte un texte et il te cite que ce texte est dans tel livre, à tel endroit, etc. Lorsque tu reviens, tu ne trouves pas le texte cité. Parfois, tu trouves l'inverse de la parole citée. Et bien souvent. Donc, faites bien attention à cela. Et lorsque tu comprends ces textes-là, tu vois que ces personnes-là, malgré si on leur donne un certain d'entre eux qu'ils ont beaucoup de narration, malgré cela, ils n'ont pas cette rachia. Cette rachia, cette crainte d'Allah Azzawajal qui te tire vers le suivi sincère et véridique de nos pieux prédécesseurs. Du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et si nous leur accordons qu'ils ont beaucoup de narration, sans aucun doute, ils ont perdu cette condition essentielle dans l'apprentissage de la science, c'est-à-dire al-khashiya, la crainte d'Allah Azzawajal, la sincérité dans l'apprentissage de la science. De même que, comme je l'ai dit, il convient de bien analyser cette parole, car ce n'est pas un appel non plus à délaisser la science, délaisser l'apprentissage, la mémorisation. Plutôt ici, Al-Ilbiri, lorsqu'il parle de cela, il te dit « فَخَيْرٌ مِنْهُ أَنْ لَوْ قَدْ جَهِلْتَ » Il est meilleur pour toi si cette science-là ne te ramène pas ce bien, ne te ramène pas vers la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il sera meilleur pour toi de ne pas savoir, de ne pas avoir eu la science, de rester ignorant. Ici, il faut bien comprendre donc cette parole qui est rapportée de Salaf et cette parole ici de Al-Ilbiri. Il ne t'appelle pas à rester ignorant, mais il t'appelle au fait que cette science, si cette science ne t'est pas profitable, comme on l'a vu la semaine dernière, eh bien cette science sera, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayka. Le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi. La science peut être une chose qui te sera profitable comme être une chose qui te nuira. Et comme on l'a vu la semaine dernière, ces paroles de Al-Khatib Al-Baghdadi dans l'introduction de son livre Iqtida al-ilm al-amal, lorsqu'il dit que la science est un arbre et l'œuvre est un fruit. Quel bien attends-tu d'un arbre fruitier qui ne donne pas de fruits? Donc cette science doit donner comme fruit des œuvres, et parmi ces œuvres-là, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a évoqué. De même, ici, une parole de Al-Allama Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, où il disait, lorsqu'on lui posait la question sur l'apprentissage auprès des gens de l'innovation, d'apprendre la religion auprès des gens de l'innovation, Ahlul Bida'a, il disait qu'il était meilleur pour toi de ne pas connaître, de ne pas savoir, de ne pas apprendre plutôt que d'apprendre chez ces gens-là. Et sans aucun doute, dans les paroles de nos pieux prédécesseurs, il y a un grand nombre de paroles et d'enseignements qui vont dans ce sens et d'orientation de leur part qui va dans ce sens. Ici, pour terminer le cours d'aujourd'hui par rapport à ce sujet, j'ai rapporté quelques paroles, en particulier de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et si le munasaba est clair, puisque le livre qu'on étudie après cela, c'est un livre de Cheikh al-Islam aussi. Dans son livre Al-Hamawiyya, Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Donc ici, simplement, pour reprendre la parole de Al-Ilbiri, lorsqu'il parle de cette science qui sera un mal pour toi, lorsqu'il dit wa in alqaaka fahmuka fi mahawin falaytaka thumma laytaka ma fahimta, donc une science qui te mènera à ta perdition, une science que tu auras acquise, des connaissances que tu auras acquises, ces connaissances qui te mèneront à la perdition, puisque ces connaissances n'auront pas été acquises de la manière de la manière légiférée. La manière qu'avaient nos pieux prédécesseurs d'apprendre la science. Cette science n'aura pas été acquise selon la voie de nos pieux prédécesseurs. Cette connaissance, cette science, ce ilm, te jettera dans les abîmes de la perdition. Et il dit « Falaytaka thumma laytaka ma fahimta » Si seulement, tu n'avais pas compris, tu n'avais pas appris. Cette science-là qui est pour toi une nuisance. Ici, il faut savoir que ceci est l'affaire des gens de l'innovation. Comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit une phrase qui est très connue, et comme je l'ai dit précédemment, certaines phrases de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sont pour les gens de la sunna, de par le fait que ces phrases, pas parce que Cheikh al-Islam nous le sanctifions. Vous savez, la voix des gens de la sunna, on en a parlé et reparlé, on ne sanctifie pas les hommes, on ne connaît pas la vérité par les hommes, mais on connaît les hommes et la valeur des hommes par la vérité, par le fait qu'ils suivent cette vérité. Mais, sans aucun doute, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, était un grand savant, un imam dans l'ensemble des sciences de la religion. Et lorsqu'il parlait, Allah tabaraka wa ta'ala lui avait donné ceci. Le fait qu'il parlait avec des paroles concises, et qui tiennent jusqu'à maintenant place de règles chez les gens de la sunna. Combien on en a cité jusqu'à présent ? Ici encore une parole. Il dit à propos des gens de l'innovation, comme dans Al-Fatwa al-Hamawi, elle dit « Outu zaka'an wa ma outu zaka'an wa u'tu fuhuman wa ma u'tu uluman outu zaka'an wa ma outu zaka'an wa u'tu fuhuman wa ma u'tu uluman. » Il dit donc à propos des gens de l'innovation, il leur a été donné l'intelligence ou une intelligence, mais il ne leur a pas été donné ce qu'on pourrait dire comme de la pureté dans cela. C'est-à-dire que cette intelligence ou cette chose n'est pas pure. Il leur a été donné de la compréhension, mais il ne leur a pas été donné de la science. Puis il dit, et il leur a été donné une ouïe, une vue et des cœurs, mais... Il rapporte la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et nous leur avons assigné une ouïe, des yeux et des cœurs, mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah et ce dont ils se moquaient les cernant. Ici, Cheikh al-Islam rapporte cette parole à propos des gens de l'innovation et il dit que ceci est comme une règle à propos des gens de l'innovation. Ce sont des gens à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné de l'intelligence. Mais ils n'ont pas su purifier cette intelligence, l'utiliser à bon escient. De même que Allah leur a donné de la compréhension. Par cette intelligence, ils comprennent les choses. Mais ils n'ont pas acquis la science, cette science profitable. On va voir un petit peu plus tard des exemples clairs de cela. De même qu'il leur a été donné l'ouïe, la vue et le cœur, mais ceci ne leur servit à rien. Puis il dit dans le sens de ses paroles, et celui qui sait cela, il lui apparaît clairement la science des salafs, radhiyallahu alayhim, de nos pieux prédécesseurs. Celui qui sait cela, ce qui est à propos des gens de l'innovation, ces mêmes gens de l'innovation qui disent que la voie de as-salaf, tariqatu as-salaf, aslam, la voix de As-Salaf, la voix de nos pieux prédécesseurs est plus sûre. Wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Et la voix de ceux qui sont venus après, eh bien, elle est plus empreinte de science et elle est plus sage. Ça, c'est une parole qui est connue chez ces gens-là. Les gens qui pratiquent la scolastique. On va expliquer ce que la scolastique, c'est le mot le plus approprié que j'ai trouvé pour traduire ilmul kalam. Al-kalam, vous avez sûrement entendu parler de cela. Ce qu'on traduira par la scolastique, si vous revenez à un dictionnaire en français, vous verrez, ou un dictionnaire français, pardon, vous verrez que c'est le terme, wallahu alam, le plus approprié que j'ai trouvé pour traduire ce terme-là, ilmul kalam. Comme on dit, al-mutakallimoun. Qu'est-ce qu'ils disent ? Et vous retrouvez ces paroles jusqu'à maintenant. Et ils appellent à cela, en particulier en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils disent tariqatu salaf aslam, la voie de nos pieux prédécesseurs est plus sûre. Wa tariqatu al-khalaf a'lam wa ahkam. Et la voie de ceux qui sont venus après est plus empreinte de science et plus sage. Pourquoi ? Parce que par cette science, comme ils le prétendent, ilmul kalam, ils donnent des détails à propos des noms et attributs d'Allah Azzawajal, à propos de la science de la religion de manière générale, des détails qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna, et ils se croient par cela intelligents, et ils pensent que leur intelligence a surpassé celle de nos pieux prédécesseurs. Et dans la simplicité de la voix de nos pieux prédécesseurs concernant la compréhension des affaires de la religion et les textes religieux, par rapport à cette simplicité qui est claire pour tout le monde, il l'appelle une voie plus sûre. Si tu veux la sûreté dans ta religion, suis la voie de Salaf. Mais si tu veux l'ilm, si tu veux la sagesse, la science, suis la voie de l'Khalaf. Suis la voie de ceux qui sont venus après. Ça, ce n'est pas une parole qu'on lit que dans les livres. Jusqu'à présent, beaucoup de gens sont sur cette voie-là. Et c'est une parole qui est très répandue. Faites bien attention à cela. Il dit donc, Rahimahullah, celui qui a compris cela, ce qu'il a évoqué précédemment, il lui apparaîtra clairement la science de nos pieux prédécesseurs et leurs connaissances lorsqu'ils ont mis en garde contre la scolastique, al-kalam, et ont interdit de s'approcher de cette science, la science de l'kalam, la scolastique. Je vais la définir ici rapidement. De même qu'ils ont réprimandé les gens de la scolastique, de l'kalam, il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, celui à qui il est apparu clairement ceci, donc ce qu'il a évoqué par rapport aux gens de l'innovation, celui-là a su aussi clairement que celui qui recherche la guider dans autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là ne se verra rajouter que de l'éloignement. Celui qui recherche la guider dans autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là ne fera que s'éloigner plus encore. Ilmul kalam, la scolastique, c'est d'affirmer les croyances religieuses, par la voie de la raison. Affirmer les croyances religieuses par la voie de la raison. Ça, c'est la définition de l'kalam. Ce n'est même pas une chose qu'ils réprouvent. C'est-à-dire, lorsqu'on leur dit « Donne-moi la définition de la science de l'kalam », c'est ça leur définition. « Ithbatul aqa'id ad-diniya an tariq al-aql » Le fait d'affirmer donc les croyances religieuses par la raison. Comment est-ce qu'on affirme les croyances religieuses? Comment tu affirmes la croyance que tu as à propos d'Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes ou ses messagers, le jour du jugement et la prédestination bonne ou mauvaise? Comment tu affirmes cela? Par le Coran et la Sunna, sans aucun doute. Les gens de l'Kalam, al-Mutakallimoun, est parmi eux. Aujourd'hui, pour avoir on va utiliser des termes qui sont connus, qui sont employés. Al-Asha'ira, ce sont des mutakallimoun. Ce sont des gens qui pratiquent cette chose-là, la scolastique, et qui appellent à cela. Ici, donc, la scolastique, ilmul kalam. Ici, simplement, je l'ai défini parce que c'est important pour ce qui va venir. On ne va pas attarder beaucoup dessus, mais juste quelques exemples par rapport à cela. Et donc, comme vous l'avez vu, Al-Ilbiri, lorsqu'il nous dit que si cette science t'amène à cela, t'amène vers la perdition, cette science que tu auras acquise, il est meilleur pour toi si seulement tu n'avais pas su, tu n'avais pas appris, tu n'avais pas connu. Car par cette science, tu as nuit aux autres et en premier lieu à ta propre personne. Comme on l'a dit précédemment, tu apprends la science pour enlever l'ignorance de toi-même, puis des autres, appeler les autres à cette science que tu as apprise. Si cette science est mauvaise, eh bien tu auras nuit à ta propre personne et aux autres après cela. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya, lorsqu'il parle de l'mutakallimin, ces gens qui pratiquent la scolastique et des grands noms, il nous dit, dans leur religion, ces gens-là qui pratiquent la scolastique, la science de l'kalam, il faut savoir que beaucoup de gens, juste une parenthèse, beaucoup de gens qui s'apparentent à cette voie, Al-Ash'ariyya, eh bien, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas tous les détails de cette croyance. Et beaucoup de gens parmi les gens de la masse qui n'ont jamais étudié, mais certaines personnes, par exemple un imam sur le minbar qui appelle à cela, ou dans un cours qui dit nous, dans notre pays, nous sommes des Asha'ira, eh bien ces gens-là, ils les suivent. Mais si on leur explique ce qu'est la croyance de l'Asha'ira aux gens de la masse, ils n'y croient pas. Comme pendant une année, il y avait une personne de l'Azhar, donc en Égypte, de l'université de l'Azhar, qui disait Les Égyptiens sont tous sur le madhab de l'Ash'ari. Et alhamdulillah, nos savants l'ont réfuté sur cette parole. Al-Ash'ari, si tu lui demandes où est Allah, il ne te dira jamais fils sama. Si tu demandes à n'importe qui, c'est-à-dire il ne te dira jamais qu'il est au-dessus des cieux. Et si tu demandes à n'importe qui parmi les gens de la masse, dans beaucoup de pays qui se revendiquent, pour beaucoup de leurs imams en tout cas, se revendiquent de cette voie, si tu demandes à beaucoup de gens de la masse, tu lui dis, il est où Allah ? Ils lèveront la main vers le ciel. Leurs enfants, les plus petits enfants, la première des choses, Allah, il est en haut. Une chose simple, et après si on rentre dans beaucoup de détails par rapport à leur manière qu'ils ont, l'Ash'ari, de diviser les attributs non et attributs d'Allah Azzawajal par de faire des divisions et de les mettre dans des catégories qui sont presque incompréhensibles même pour eux-mêmes. Al-Jawhar, Al-Fard, etc. Des appellations qui ne sont venues ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun parmi nos pieux prédécesseurs, parmi As-Sahaba, ceux qui les ont suivis dans le bien, n'ont parlé. Ils ont inventé des noms et des appellations et des manières de ranger les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de gens, même si à la base il peut te dire, si tu lui demandes tu es sur quelle croyance, parmi les gens de la masse, il te dit moi je suis Ash'ari. C'est des gens qui ne connaissent même pas ce madhab, parce que c'est une voie qui, pour résumer, qui ne veut rien dire. Et c'est pour cela que beaucoup des imams parmi l'Ash'ari, à la fin de leur vie, ont regretté la voie par rapport à cette croyance, et la voie en particulier dans leur manière d'affirmer les croyances religieuses, c'est-à-dire la scolastique, ilm al-kalam. Parmi cela, nous voyons que Cheikh al-Islam nous dit, rahimahullah, que beaucoup parmi eux n'ont pas été fermes dans leur religion et se sont trompés à propos de leur connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi eux, par exemple, un de leurs grands savants qui s'appelle al-Shahrastani, Abu al-Fath, qui est mort en 548, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est très connu. Al-Shahrastani, 548 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a un livre qui est très connu, Al-Milal wa Nihal. Il dit, La'amri laqad tuftu al-ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi bayna tilka al-ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala dhaqanin aw qari'an sinna nadimi. Dans le sens de ces paroles, dans le sens très approximatif, il dit à la fin de sa vie, dans le sens approximatif, j'ai tout étudié, j'ai tout cherché, je me suis renseigné à propos de toutes ces choses-là. Il parle de la science de l'kalam, la scolastique, et je n'ai pas vu autre qu'une personne qui met sa main sur son menton. Quelle personne? Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? C'est quelqu'un qui est perdu, qui réfléchit, qui ne sait pas où est-ce qu'il en est. Tu es devant quelque chose et une personne, je n'ai pas vu autre qu'une personne qui met sa main sur son manteau comme cela, perdu, ou quelqu'un qui a du regret par rapport à toute cette vie qu'il aura passée dans l'étude de cette science-là et de cette voie-là. Shahrastani, un de leurs grands imams. Ça, c'est le premier des noms que je vais évoquer. Les autres noms sont encore bien plus connus que lui. Parmi eux, et tout cela, ce sont des paroles que Cheikh al-Islam rapporte, et ce sont des paroles qui sont effectives de ces gens-là, qui sont rapportées de manière authentique de ces gens-là. Il dit, Cheikh al-Islam, dans le sens de ses paroles, ils ont affirmé cela, et ceci est affirmé dans certains de leurs livres et autres. Il dit à propos de l'une de leurs têtes, comme il dit Cheikh al-Islam Taymiyyah, et cette personne-là qui a dit cette... Parce que Cheikh al-Islam, dans le livre, il ne rappelle pas leur nom. Ici, cette personne qui dit cette parole-là, là, que je vais évoquer, c'est Ar-Razi. Ar-Razi, il fait partie des imams du madhab de l'Ash'ari. C'est-à-dire, chez l'Ash'ari, on en parle comme ça, mais c'est quelque chose qui est tellement proche de nous, qui est très important, donc il est très important de se renseigner par rapport à cela. Al-Ash'ari, parmi les imams de leur voie, Abu al-Hassan al-Ash'ari, bien sûr, qui est revenu à la fin de sa vie, c'est-à-dire l'imam du madhab, qui est revenu vers la voie des gens de la sunna, dans la grande majorité des sujets qui ont attrait à la croyance, qui est revenu à la fin de sa vie, Abu al-Hassan. Ensuite, certains imams qui sont venus après. Parmi ces imams, on a Al-Baqilani. On a aussi Abu al-Ma'ali, Imam al-Haramayn, on va en parler. On a aussi Al-Ghazali, on va en parler aussi. Et parmi eux aussi, Al-Razi. Et cette personne, Al-Razi, qui est-il ? Il est connu comme Fakhruddin al-Razi. Fakhruddin al-Razi. Beaucoup de gens qui étudient dans des universités, Al-Azhar et autres, ces gens-là, ce sont leurs grands imams. Si tu lui dis, reviens vers un tafsir, nous, on revient vers le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah. Eux te disent, on revient vers le tafsir de Razi, qui s'appelait comment ? Mafatih al-Ghayb. Les clés de l'invisible. Hein? Un grand philosophe, Ahsant, un grand philosophe al-Razi. Comme vous le savez, la philosophie n'a rien à voir avec notre religion. Plutôt, la philosophie est une des causes que ces gens-là se sont égarés dans la scolastique. Et juste le nom de son tafsir, Mafatih al-Ghayb, les clés de l'invisible. Quelque chose comme ça, là, tu te dis qu'il y a un problème. Les clés de l'invisible. Subhanallah. Et donc, et il est mort en 606. 606 al-Razi. Il a aussi un livre qui est connu qui s'appelle Ta'sis al-Taqdis ou Asas al-Taqdis, qui est un livre dans lequel il sanctifie la raison. Al-Taqdis, c'est la sanctification. Ou la sanctification, la sanctification. Sanctification. La sanctification. Donc il sanctifie la raison. C'est-à-dire qu'il la met à une place, on ne peut pas y toucher. C'est ça leur voie. D'affirmer les croyances religieuse par la raison. Et dans son livre, et ce livre-là, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah l'a réfuté en plus d'une dizaine de volumes. Le livre, vous le connaissez ? Le livre, il est connu anciennement, son nom, c'était Naqdou Asas al-Taqdis, c'est-à-dire donc la réfutation, donc en gros, la réfutation de ce livre Asas al-Taqdis. Et c'est un livre qui est réellement, la réalité de son nom, c'est Bayan Talbis al-Jahmiyyah. Bayan Talbis al-Jahmiyyah. Ce livre-là, en plus d'une dizaine de volumes, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah lui fait une réfutation. Une réfutation. Ici, cette personne-là, donc Mohammed ibn Omar, Fakhruddin al-Razi, qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie ? Nihayatu al-iqdam al-uqul iqalu, wa nihayatu iqdam al-uqul iqalu, wa aktharu sa'i al-alamina dalalu. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. La dernière phrase est celle-là qui nous intéresse. Il dit ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Nous n'avons pas profité de notre recherche, de la recherche que nous avons fait dans la science, en particulier cette science-là, tout au long de notre vie, à part le fait que nous avons réuni qu'il wa qal, il a été dit, on a dit, il a été dit, on a dit. Ça, c'est le résumé de cette science-là, ilmul kalam, la scolastique. Et bien sûr, ilmul kalam, ça réunit beaucoup de choses, parmi ces choses-là, la philosophie. Donc ici, pour vous donner, Ahsan Tirissa, c'est pour vous donner plus quelque chose qui va vous parler. On parle de la scolastique, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas... Mais dans cette science-là, il y a beaucoup de sciences qui rentrent dedans. Parmi cela, la philosophie. Parmi cela aussi, al-mantiq, c'est-à-dire la logique. Et autres. Faites bien attention à ces sciences-là. Faites bien attention à ces sciences-là. Ce sont des sciences qui détruisent la religion d'une personne. Ça te sort du contexte direct. Ça te sort du contexte de ta religion directement. Ahsant. La philosophie, faites bien attention à ça. Des choses sur lesquelles on a peut-être été éduqué dans... les écoles où on a pu aller, mais faites bien attention à cela, la philosophie. Et c'est pour ça que la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas qu'il wa qal, on a dit, il m'a été dit, ce n'est pas des réflexions. Allah tabaraka wa ta'ala, s'il te dit aqimus salat, il n'appartient pas à quelqu'un de rentrer sa raison dans cela, de dire mais en fait la raison, etc., etc. Et dans tous les cas, il faut savoir qu'une bonne raison, comme le dit Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, une raison saine n'ira jamais à l'encontre ou ne contradira jamais un texte authentique. Une raison saine ne contredira jamais une raison authentique. C'est-à-dire que s'il y a une contradiction, ou tu penses qu'il y a une contradiction, c'est que soit le texte n'est pas authentique, ou soit la raison n'est pas saine, n'est pas bonne. Donc ici, cette parole de Ar-Razi, ce grand imam, à la fin de sa vie. Toute notre vie, nous n'avons pas profité de ce que nous avons acquis comme science et de nos recherches, que d'avoir réuni qu'il wa qal. On a dit, il a été dit. Il dit aussi, rahimahullah, wa ghafarala, c'est quelqu'un qui était revenu à la fin de sa vie, et il y a dans ses livres, comme par exemple Mafatihul Ghaib, il y a des grands égarements. Des grands égarements. Il a dit dans le sens, j'ai médité sur les voies de la scolastique, de la science de Al-Kalam, et les voies des gens de la philosophie. Et je n'ai pas vu une chose qui est un bien pour la personne ici, donc c'est une expression arabe qui dit une chose qui guérira un malade ou abreuvera quelqu'un qui est assoiffé. Donc je n'ai pas vu un bien dans cela, dans ces voies de la scolastique et dans ces voies de la philosophie. Et j'ai vu la voie la plus proche, la voie du Coran. Je lis sur Al-Ithbat, c'est-à-dire l'affirmation des noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Ar-Rahman wa alal arshi stawa, le tout miséricordieux, c'est stawa, sur le trône. Et aussi sa parole, ilayhi yas'adul kalimu tayyib, vers lui s'élève la bonne parole, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala. Et je lis à propos de la négation, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Wala yuhituna bihi ilma. Et celui, puis il dit, Ar-Razi, il dit, et celui qui a fait la même expérience que moi aura eu la même connaissance que moi. Wa man jarraba mithla tajribati 'arafa mithla ma'rifati. Un autre, et on va terminer sur cela, un autre que eux a dit, qui est cette personne? Imam al-Haramayn, al-Juwayni, Abu al-Ma'ali, ce grand imam dans la voie de l'Asha'ira, un grand imam, il l'appelle Cheikh al-Islam, Imam al-Haramayn, Abu al-Ma'ali, al-Juwayni, Abd al-Malik, Ibn Abdillah, qui est mort en 478 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 478. Qui a écrit des livres qui sont connus dans le fiqh et dans les fondements de la jurisprudence aussi. Parmi les plus connus, un livre résumé, Al-Waraqat, et parmi les plus connus, un livre qui est plus étendu, qui s'appelle Al-Burhan, fi usul al-fiqh, qui est très connu. Cette personne, Abu al-Ma'ali, a dit, et c'est quelqu'un qui est revenu aussi en tout cas qui s'est repenti de cette voie, à la fin de sa vie, ou d'une partie de cette voie. Et son père, rahimahullah, est revenu vers la voie des gens de la sunna, cette personne-là, Abu al-Ma'ali, son père, et a écrit un livre qui s'appelle Al-Arsh, où il parle justement de l'élévation, ou Al-Ulu, Kitab Al-Ulu, et où il parle de l'élévation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il affirme que Allah azza wa jal s'est établi, istawa ala arshihi, sur son trône, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif du terme istawa. Il dit, c'est des paroles qui sont un peu compliquées à traduire, mais le sens, j'ai emprunté la voie, j'ai emprunté une voie, et j'ai délaissé, il parle de la voie de la scolastique, et j'ai délaissé les gens de l'islam, les partisans de l'islam et leur science, la science du Coran, de la sunna. Et je suis entré dans ceux qui m'avaient été interdits. Et aujourd'hui, si mon Seigneur ne me rattrape pas par sa miséricorde, eh bien, le malheur est sur un tel. Il parle de lui. Le malheur sur moi. Et aujourd'hui, je meurs sur la croyance de ma mère. Aujourd'hui, je meurs sur la croyance de ma mère. Et ça a été rapporté de beaucoup d'entre eux. Par exemple, je meurs sur la croyance de ma mère. Je meurs sur la croyance des vieilles dames de Naysabour. Des gens qui venaient, beaucoup d'entre eux venaient des pays qui sont Wara al-Nahr. Des pays comme l'Ouzbékistan et autres. Naysabour se trouve aujourd'hui... Ahsant, c'est la capitale de la province de Al-Khurasan. Quand vous entendez Al-Khurasani, etc., de Khurasan. Naysabour. Et donc, beaucoup ils disent Waditu an amut ala aqidati aja'iz Naysabour. J'aurais aimé mourir sur la croyance des vieilles dames de Naysabour. Ici, je meurs sur la croyance, aujourd'hui, je meurs sur la croyance de ma mère. C'est-à-dire, une personne qui n'avait pas de science, qui n'était pas entrée dans la science de la scolastique, qui n'avait pas... Quelqu'un, une amia, quelqu'un, des gens de la masse. mais qui a cette croyance-là, qui est une croyance, la croyance des gens de l'islam, autre que la croyance des gens de Al-Kalam, Al-Mutakallimun. Regardez cette personne-là, Imam Al-Haramayn, Sheikh Al-Islam. Et la dernière parole que je rapporte avant de terminer le cours, la parole d'un de leurs grands imams aussi, un très grand imam qui est connu ici en France, Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, vous le connaissez tous. Ils ont traduit certains de ses livres. Parmi ses livres, un livre très dangereux qui s'appelle Ihya Ulum al-Din, les revivifications des sciences de la religion. Je vais en parler tout de suite. Je vais terminer sur ça. Abu Hamid Al-Ghazali, qu'est-ce qu'il dit ? Aksaru an-nasi shakkan 'inda al-maut ashabu al-kalam. Donc c'est-à-dire les gens qui ont le plus de doutes au moment de la mort, les gens qui ont emprunté cette voie la scolastique, ilm al-kalam. Al-Ghazali Abu Hamid qui est mort en 505, qui fait partie des grands imams de al-madhhab de al-Ash'ari. Il l'appelait comment ? Vous savez comment il l'appelait ? Son surnom. Al-Ghazali ma'rouf. Hujjatul Islam. La preuve de l'islam. Hujjatul Islam. C'est son appellation la plus connue. Vous la trouverez dans ses livres. Et ce livre-là, Revivification des sciences de la religion, est édité et traduit en français. En plusieurs volumes, dans beaucoup d'éditions différentes, et ceci depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il doit avoir peut-être 30 ans qu'il ait traduit ce livre-là. Il a été réédité. Très connu, Ihya Ulum al-Din. Dans ce livre, il y a des égarements évidents. C'est un livre qui traite, et beaucoup de gens le prennent pour cela, des œuvres du cœur, de l'ascétisme et autres. Mais dans ce livre-là, il a mis sa croyance. Il a mis la voix des gens de l'Kalam, de la scolastique, et des philosophes. Dans ce livre-là, il a mis As-Soufiya, clair. Dans ce livre-là, elle dit que le tawhid se divise en plusieurs parties. Est-ce que c'est le tawhid dans la seigneurie, le tawhid dans l'adoration, le tawhid dans l'asma wa sifat ? Non, le tawhid chez lui, Abu Hamid al-Ghazali, à la tariqati al-Soufiya, selon la voie des soufis. Il dit qu'il y a tawhid al-Qushur, tawhid Qishr al-Qushur, etc. Tawhid al-Amma, tawhid Ammat al-Amma. Le tawhid de al-Qushur, c'est-à-dire de l'épluchure comme ça. L'épluchure, c'est-à-dire on dit l'épluchure d'un fruit, ce que tu enlèves, l'épluchure. Il appelle comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? De même que tawhid al-amma, tawhid ammat al-amma, tawhid al-khassa, tawhid khassat al-khassa. Quatre taqsim de tawhid dans son livre Ihya Ulum al-Din. Qu'est-ce que c'est que ces quatre choses-là ? Al-amma, c'est... ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça, je vous rapporte ça de ma mémoire. Mais en tout cas, entre l'amma et ammat al-amma, en gros c'est la ilaha illallah. Ça c'est tawhid al-awam. Les gens de la masse, ils disent la ilaha illallah, ça c'est des gens de la masse. C'est-à-dire nous. Tawhid al-khassa. Allah. Allah, Allah, Allah. Khalas. Ça c'est leur tawhid. Ceux qui ont atteint ce degré-là. Tawhid khassat al-khassa. Hu. Hu. Hu. Hu. Dans son livre Ihya Ulum al-Din, celui-là qui est traduit en français. C'est ce qu'ils font là, les soufis. Exactement. Exactement. Ils disent hu. Parce que si on meurt avant d'avoir dit la ilaha illallah, d'avoir dit illallah, on aura dit la ilaha. Il n'y a pas de divinité si on meurt avant d'avoir terminé la phrase. Eh bien, on aura dit la ilaha. Pas de divinité. On a nié l'existence d'Allah Azza wa Jal. Donc, on dit juste hu, hu, hu, hu. Ça, c'est tawhid. Khassat al-khassa. C'est-à-dire, on dit l'amma, c'est-à-dire la masse. Et Al-Khassa, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire l'élite. Tawhid Khassat Al-Khassa, le Tawhid, l'unicité de l'élite des élites. Où ? Et autre que cela, parmi les égarements qu'il y a dans ce livre-là, qui est édité en français. Faites bien attention. Et donc, cette personne-là, donc, comme il le dit, qui est revenue à la fin de sa vie, il a d'autres livres comme ça qui sont des livres, sans aucun doute, de l'égarement. Il dit la plupart des gens qui doutent au moment de leur mort, ce sont les gens de la scolastique, ceux qui ont pratiqué cette science, Al-Kalam, et donc la philosophie et autres. Une dernière chose avant de terminer sur cette appellation, Hujjatul Islam. est-ce qu'il est permis d'appeler quelqu'un Hujjatul Islam ou aussi Hujjatullah? Ceci, sans aucun doute, n'est pas permis. Comme le dit Shir ibn Uthaymin, rahmahullah, il dit il n'y a pas de hujja, de preuve venant d'Allah sur ses serviteurs après les messagers. Allah Azza wa Jalla, le hujja qu'il envoie à ses messagers, aux gens de la terre, à ses serviteurs, ce sont les messagers qui venaient avec son message et qui venaient avec ses livres. Tabaraka wa ta'ala. Hujjatullah ou Hujjatul Islam, ceci n'est pas permis d'appeler une personne comme cela. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.